Ce qui est aussi une chose qui vient pour les gens qui atteignent un certain niveau de spiritualité, ce qu'on appelle le karamet. Et le karamet, ce sont ces qualités des hommes qui voient au-delà de ce que le commun voit. Et des gens, on vous dit, leur relation avec le Coran est telle qu'à des moments, quand ils vous regardent, ils voient plus que ce que vous montrez. Et vous savez, le secret, c'est que vous vous en rendez compte. Vous voyez qu'il a vu plus. Il y a des gens dans la proximité desquels vous êtes gênés. Il y a des gens dans la proximité desquels leur cœur dit ce que tout dans leur être aimerait cacher. C'est un jeune homme qui vient le matin voir son guide spirituel, son cheikh, qui a raté Salat al-Fajr, qui vient devant lui, et son cheikh le regarde droit dans les yeux et lui dit « Attention à être précis avec tes prières. » Il lui avait rien dit, il a tout vu. C'est ça que le Coran donne aussi comme dimension spirituelle, une dimension qui est une dimension au-delà de ce que le commun a. Et toute l'histoire de l'islam montre cette dimension. Il y a ces secrets-là, le Furqan. Et là, on est vraiment dans la dimension spirituelle. Ce n'est pas le livre qu'on comprend uniquement avec son intelligence.